إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc inshallah tabaraka wa ta'ala, on commence une nouvelle série de cours sur le tafsir, l'exégèse du Coran, qui est certes la science la plus honorable, car c'est une science qui permet de comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la parole d'Allah azza wa jal est la plus vraie, la plus véridique et la meilleure de toutes les paroles. Et le tafsir que l'on a choisi de lire est le tafsir de Cheikh Sa'di rahimahullah ta'ala, et le Cheikh de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Le tafsir de Cheikh Sa'di, recommandé par bon nombre de savants pour les débutants, car le Cheikh y a utilisé des phrases explicites, des phrases claires, des termes faciles à comprendre. Un des meilleurs tafsirs conseillés pour les débutants dans la science religieuse. Et le meilleur tafsir, le meilleur exégèse du Coran est sans aucun doute le tafsir de l'imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah ta'ala, qui est reconnu par tous les savants comme étant le meilleur tafsir du Coran. On va commencer par le juz amma, inshallah ta'ala, en commençant par sourate al-Naba et en descendant jusqu'à Nas, et ensuite on commencera, inshallah ta'ala, le juz de Tabaraka, et on descendra ainsi de suite, et l'on fera ce qu'Allah Azza wa Jal nous permettra de lire et d'expliquer, de traduire dans le tafsir de Cheikh Sa'di rahimahullah ta'ala. Surat al-Naba, Surat al-Naba, qui est Surat la Nouvelle. Surat al-Naba, qui est aussi appelée سورة عم. قال الشيخ السعدي رحمه الله تفسير سورة عم وهي مكية. L'exégèse de سورة عم qui est مكية. Et les سورات مكية et les سورة مدنية, la différence entre les deux, c'est que une sourate mécoise, c'est une sourate qui a été révélée avant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les sourates médinoises sont celles qui ont été révélées après l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se peut donc que des versets soient révélés autres qu'à la Mecque, qu'elles soient mécoises, et l'inverse, qu'elles soient révélées autres qu'à Médine et qu'elles soient médinoise. Ainsi, un verset révélé à la Mecque bien après l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam sera considéré comme un verset ou une sourate mécoise. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. Inch'Allah ta'ala, la traduction que l'on lira du Coran sera la traduction prise, la traduction de Cheikh Buraima Abu Daouda, diplômé de l'université de Médine et président du bureau des traductions islamiques au Niger, qui est, en tout cas, à mon avis, la meilleure traduction des sens du Coran en français. Elle est pour moi meilleure que la traduction du Mus'haf de Médine, celui qui est édité à Médine. Et ce tafsir, ou plutôt cette traduction, est édité par Dar al-Salam, que vous trouvez maintenant dans la plupart des librairies. Il dit, subhanahu wa ta'ala, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, sur quoi s'interrogent-ils mutuellement? Sur la grande nouvelle, à propos de laquelle ils divergent? Eh bien non, ils sauront bientôt. Encore une fois, non, ils sauront bientôt. قال الشيخ سعدي رحمه الله تعالى أي عن أي شيء يتساءل المكذبون بآيات الله ثم بين ما يتساءلون عنه فقال عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون أي عن الخبر العظيم الذي طال فيه نزاعهم وانتشر فيه خلافهم على وجه التكذيب والاستبعاد وهو النبأ الذي لا يقبل الشك ولا يدخله الريب ولكن المكذبون بلقاء ربهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. الشيخ السعدي رحمه الله dit, c'est-à-dire sur quelle chose s'interrogent ceux qui ont traité les signes d'Allah comme mensonges. Sur quelle chose ils s'interrogent? Puis Allah Azza wa Jal nous a expliqué ce sur quoi ils s'interrogent. Et il dit subhanahu wa ta'ala عن النبأ العظيم, au sujet de la grande nouvelle autour de laquelle ils divergent. C'est-à-dire cette immense nouvelle autour de laquelle ceux qui ont traité de mensonges les signes d'Allah divergent en considérant cette grande nouvelle comme un mensonge et en la considérant également comme fortement improbable. Alors que c'est une nouvelle qui ne laisse place à aucun doute, qui ne laisse place à aucune incertitude, mais ceux qui traitent de mensonges ces signes, ceux qui traitent de mensonges la rencontre de leur Seigneur ne croient pas, même si tous les signes venaient à eux jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment douloureux. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ. ولهذا قال كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أي سيعلمون إذا نزل بهم العذاب ما كانوا به يكذبون حين يدعون إلى نار جهنم دعا ويقال لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون ثم بين تعالى النعم والأدلة الدالة على صدق ما أخبرت به الرسل. C'est pour cela qu'Allah Azzawajal a dit par la suite, eh bien non, ils sauront bientôt. Encore une fois, non, ils sauront bientôt. Ainsi, quelle est la chose sur laquelle divergent ceux qui ont traité de mensonges les signes d'Allah? Qu'est-ce qu'ils rejettent? Ou quelle est la chose à laquelle ils ne croient pas? Naam, la résurrection. La résurrection, le jour où ils rencontreront leur Seigneur et le jour où ils devront rendre compte de ce qu'ils ont œuvré dans cette vie d'ici-bas. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit, eh bien non, ils sauront bientôt, c'est-à-dire qu'ils sauront lorsque le châtiment les touchera et les frappera, ils sauront alors ce qu'ils traitaient de mensonges. Lorsqu'ils seront brutalement poussés en enfer et qu'il leur sera dit, voici l'enfer que vous traitiez de mensonges. Puis Allah subhanahu wa ta'ala montre ses bienfaits et les preuves qui viennent confirmer ce avec quoi ou le message qu'ont apporté ses prophètes et envoyés. قال تعالى ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Puis il dit subhanahu wa ta'ala, n'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé les montagnes comme des piquets? Nous vous avons créé en couple, désigné votre sommeil pour votre repos, fait de la nuit un vêtement, assigné le jour pour les affaires de la vie, construit au-dessus de vous 7 cieux renforcés, y avons placé une lampe, c'est-à-dire le soleil, très ardente, et fait descendre des nuées une eau abondante pour faire pousser par elle grains, plantes et jardins luxuriants. قال الشيخ السعدي رحمه الله أي أما أنعمنا عليكم بنعم جليلة وجعلنا لكم الأرض مهادا أي ممهدة مهيئة لكم ولمصالحكم من الحروث والمساكن والسبل والجبال أوتادا تمسك الأرض لئلا تضطرب بكم وتميد وخلقناكم أزواجا أي ذكورا وإناثا من جنس واحد ليسكن كل منهما إلى الآخر فتكون المودة والرحمة وتنشأ عنهما الذرية وفي ضمن هذا الامتنان بلذة المنكح. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal dit, ne vous avons-nous pas comblé de bienfaits en faisant de la terre une couche, c'est-à-dire que la terre a été aplanie, nivelée pour vous et pour votre bien. Pour vous et pour votre bien, de telle sorte que vous puissiez sur cette terre préparer vos cultures, construire vos foyers et construire également les routes sur lesquelles vous vous déplacez. Parmi les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, c'est qu'il a fait que la terre soit aplanie et nivelée pour notre bien. Waljibala autada. Parmi les bienfaits d'Allah, c'est qu'il ait fait des montagnes un piquet qui retient la terre, afin qu'elle ne se déplace pas et qu'elle ne vacille pas. Wa khalaqnakum azwaja, et nous vous avons créé en couple, c'est-à-dire hommes et femmes d'une seule espèce, afin que chacun puisse vivre en tranquillité avec l'autre, et afin que l'affection et la miséricorde existent entre vous et que de cela résulte une descendance qui est le tout associé au plaisir du coït, au plaisir de la relation intime. ثم قال وجعلنا نومكم سباتا أي راحة لكم وقطعا لأشغالكم التي متى تمادت بكم أضرت بأبدانكم فجعل الله الليل والنوم يغشى الناس لتنقطع حركاتهم الضارة وتحصل راحتهم النافعة. Et nous avons fait de votre sommeil un repos, c'est-à-dire un repos pour vous, et un arrêt de vos activités. Qui, c'est-à-dire ces activités, si elles persistaient, porteraient préjudice à vos corps. Ainsi, Allah Azza wa Jal a fait que la nuit et le sommeil enveloppent les gens, afin que leurs mouvements s'arrêtent, des mouvements qui, s'ils persistaient, seraient néfastes pour eux, et afin qu'ils puissent connaître une tranquillité reposante. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا أي سبع سماوات في غاية القوة والصلابة والشدة وقد أمسكها الله بقدرته وجعلها سقفا للأرض فيها عدة منافع لهم ولهذا ذكر من منافعها الشمس فقال وجعلنا سراجا وهاجا نبه بالسراج على النعمة بنورها الذي صار كالضرورة للخلق وبالوهاج الذي فيه الحرارة على حرارتها وما فيها من المصالح. Et nous avons créé au-dessus de vous sept cieux renforcés, c'est-à-dire les sept cieux que nous avons créés et qui sont d'une extrême force et d'une extrême solidité. Et Allah subhanahu wa ta'ala retient ses cieux par sa puissance. Et il a fait de ses cieux un toit pour la terre. Et il y a dans ses cieux de nombreux bénéfices pour vous. C'est pour cela qu'Allah azza wa jal a cité parmi les bénéfices des cieux le soleil. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا Et nous y avons placé une lampe ardente. En parlant du soleil, Allah Azza wa Jal a parlé de la lumière de la lampe pour montrer les bienfaits de la lumière et pour montrer que la lumière est une chose essentielle pour la créature. Et il a parlé d'ardente, al-wahaj, pour montrer la chaleur du soleil et les bienfaits qu'il y a derrière cette chaleur. Et vous savez tous que sans lumière, il n'y a pas de vie. Et vous savez tous que la chaleur du soleil est exactement la chaleur qu'il faut pour que l'on puisse vivre sur terre. Et vous voyez, lorsque les degrés montent de quelques Celsius, tout le monde commence à se plaindre. Et lorsque les degrés descendent de quelques Celsius, tout le monde commence à se plaindre. Pour montrer les bienfaits de ce soleil qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé de façon parfaite. ثم قال وأنزلنا من المعصرات أي السحاب ماء ثجاجا أي كثيرا جدا لنخرج به حبا من بر وشعير وذرة وأرز وغير ذلك مما يأكله الآدميون ونباتا يشمل سائر النبات الذي جعله الله قوتا لمواشيهم وجنات ألفافا أي بساتين ملتفة فيها من جميع أصناف الفواكه اللذيذة فالذي أنعم عليكم بهذه النعم العظيمة التي لا يقدر قدرها ولا يحصى عدها كيف تكفرون به وتكذبون ما أخبركم به من البعث والنشور أم كيف تستعينون بنعمه على معاصيه وتجحدونها. Puis Allah Azza wa Jal dit, selon le sens, et nous avons fait descendre des nuées. Les nuées qui sont des nuages, des gros nuages. Nous avons fait descendre des nuées de l'eau abondante, comme l'a dit Cheikh Saadi, ay kathiran jidda, de l'eau en très grande quantité. Linukhrija bihi habba, pour faire pousser par elle des grains. Des grains de blé, d'orge, de maïs, de riz et toutes les autres formes de nourriture que mangent les êtres humains. Wanabata, linukhrija bihi habban wanabata, afin de faire pousser par elle grains et plantes. Les grains qui sont la nourriture de qui? Les grains comme le blé, l'orge, le maïs, le riz. Hein? Pour les êtres humains. Effectivement, il est possible que des animaux en mangent, mais ce n'est pas leur nourriture essentielle. Wanabata et des plantes. Et ceci englobe l'ensemble des plantes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait, qu'Allah azza wa jal a créé comme nourriture essentielle du bétail. Wajannatin alfafa, ay basatin multafa, et des jardins, ici ça a été traduit par luxuriant. C'est un grand mot, luxuriant. Qui sait ce que ça veut dire? Yani, des jardins qui sont extrêmement garnis. Qui sont extrêmement garnis, dans lequel il y a énormément de plantes, énormément de d'arbres. Et ici, Cheikh Saadi rahimahullah dit, basatina multaffa, c'est-à-dire des jardins rassemblés et garnis, dans lequel il y a l'ensemble des fruits délicieux. Puis il dit, rahimahullah, celui qui vous a comblé de tous ces bienfaits immenses, des bienfaits qui ne peuvent être estimés, des bienfaits qui ne peuvent être quantifiés. Comment mécroire en lui? Et comment traiter de mensonge ce qu'il vous a informé, à savoir le jour de la résurrection et le jour du jugement? Pire encore, comment vous aidez-vous de ses bienfaits pour lui désobéir et pour les renier? Al-Kuffar, les mécréants, Allah Azza wa Jal les a comblés de bienfaits. Ne serait-ce que le fait que la bonne santé ait été accordée à beaucoup d'entre eux. Et ils utilisent ces bienfaits dont Allah les a comblés pour traiter de mensonges le jour de la résurrection, mais également pour renier les bienfaits dont Allah Azza wa Jal les a comblés. ثم قال تعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال الشيخ السعدي ذكر تعالى ما يكون في يوم القيامة الذي يتساءل عنه المكذبون ويجحده المعاندون ويجحده المعاندون أنه يوم عظيم، وأن الله جعله ميقاتا للخلق ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، ويجري فيه من الزعازع والقلاقل ما يشيب له الوليد، وتنزعج له القلوب فتسير الجبال حتى تكون كالهباء المبثوث، وتشقق السماء حتى تكون أبوابا، ويفصل الله بين الخلائق بحكمه الذي لا يجور، وتوقد نار جهنم التي أرصدها الله وأعدها للطاغين وجعلها مثوى لهم ومآبا، وأنهم يلبثون فيها أحقابا كثيرا. والحقب على ما قاله كثير من المفسرين 80 سنة. Puis Allah Azza wa Jal dit, selon le sens, le jour de la décision a son terme fixé. Le jour où l'on soufflera dans la trompe, vous viendrez par troupes. Le ciel sera ouvert et présentera des portes. Les montagnes seront mises en marche et deviendront un mirage. L'enfer demeure aux aguets, refuge pour les taroutes, transgresseurs, pour les taroutes, transgresseurs. Ils y demeureront pendant des siècles successifs. Ils n'y goûteront ni fraîcheur ni breuvage, hormis une eau bouillante et impue, comme rétribution équitable. Car ils ne s'attendaient pas à rendre compte et traitaient de mensonges continuellement nos preuves, nos signes. Alors que nous avons dénombré toutes choses en écrit, goûtez donc, nous n'augmenterons pour vous que le châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala cite dans ces versets ce qu'il va advenir le jour du jugement. Le jour autour duquel se questionnent ceux qui le traitent de mensonge et ceux qui le renient et le rejettent. Ce sera un jour immense, un jour à qui Allah Azza wa Jal a accordé un terme fixé pour ses créatures. Ce jour où l'on soufflera dans la trompe et vous viendrez en groupe. Dans ce jour, il s'y passera des choses effrayantes et des choses troublantes, des choses qui feront vieillir le nouveau-né, qui ébranleront les cœurs, qui déplaceront, les montagnes se déplaceront jusqu'à devenir poussière éparpillée. Le ciel se fendra jusqu'à ce qu'il soit constitué de plusieurs ouvertures. Et Allah subhanahu wa ta'ala jugera entre ses serviteurs par son jugement qui n'est pas injuste. Et ce jour du jugement, l'enfer sera attisé. Un feu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé et a réservé aux transgresseurs. Un feu qui sera leur demeure et leur refuge. Un feu dans lequel ils resteront ahqaban kathira. Et al-hiqb, selon ce qu'on dit, beaucoup d'exégètes, à savoir, c'est 80 années. Al-hiqb, c'est 80 années. Et ahqab, c'est le pluriel de hiqb. Et Allah Azza wa Jal dit qu'ils resteront en enfer ahqaba, c'est-à-dire beaucoup, énormément de séries de 80 années. ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله وهم إذا وردوها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا أي لا ما يبرد جلودهم ولا ما يدفع ظمأهم إلا حميما أي ماء حارا يشوي وجوههم ويقطع أمعاءهم وغساقا، وهو صديد أهل النار الذي هو في غاية النتن وكراهة المذاق، وإنما استحقوا هذه العقوبات الفظيعة جزاء لهم ووفاقا على ما عملوا من الأعمال الموصلة إليها. لم يظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم، ولهذا ذكر أعمالهم التي استحقوا بها هذا الجزاء، فقال إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي لا يؤمنون بالبعث ولا أن الله يجازي الخلق بالخير والشر، فلذلك أهملوا العمل للآخرة. Puis Cheikh Saadi rahimahullah dit, et lorsqu'ils y rentreront, c'est-à-dire en enfer, لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا, ils ne goûteront en enfer ni fraîcheur ni boisson. C'est-à-dire qu'en enfer, il n'y aura rien pour rafraîchir leur peau et il n'y aura rien pour repousser leur soif. إلا حميما, sauf de l'eau bouillante. De l'eau bouillante qui brûlera leur visage et déchirera leur entraille. Warasaqa et du pu, qui est le jus des gens de l'enfer, qui a une extrême puanteur et qui est extrêmement dégoûtant. Et ils méritent ce châtiment atroce en rétribution et en guise d'équité de par ce qu'ils ont commis comme actes qui les ont amenés à cet enfer. Allah Azza wa Jal ne les a pas offensés. Allah Azza wa Jal n'a pas été injuste envers eux, mais ce sont eux qui ont été injustes envers leur propre personne. Pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala cite les actes qu'ils ont commis par lesquels ils méritent ce châtiment. Et il dit subhanahu wa ta'ala, innahum kanu la yarjuna hisaba. Ils ne s'attendaient pas à rendre compte. C'est-à-dire qu'ils ne croyaient pas au jour de la résurrection. Et ils ne croyaient pas qu'Allah azza wa jal allait rétribuer ces créatures par le bien et par le mal. Et c'est pour cela, et c'est parce qu'ils ont traité de mensonges le jour du jugement, et c'est parce qu'ils ont renié la résurrection, qu'ils ont délaissé les œuvres pour l'au-delà. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّبًا أي كَذَّبُوا بِهَا تَكْذِيبًا وَاضِحًا صَرِيحًا وَجَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَانَدُوهَا وكل شيء من قليل وكثير وخير وشر أحصيناه كتابا أي كتبناه في اللوح المحفوظ فلا يخشى المجرمون أنا عذبناهم بذنوب لم يعملوها ولا يحسبوا أنه يضيع من أعمالهم شيء أو ينسى منها مثقال ذرة كما قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Ils ont traité, Allah عز وجل dit son le sens, et ils ont traité nos signes de mensonge. C'est-à-dire qu'ils ont considéré nos signes comme étant un mensonge de façon claire et de façon franche, alors que les preuves leur sont venues, mais ils se sont obstinés à les rejeter. Puis Allah Azza wa Jal dit, wa kulla shay, et toute chose, c'est-à-dire qu'elle soit en petite quantité ou en grande, qu'elle soit bonne ou mauvaise, nous l'avons dénombrée par écrit. C'est-à-dire que nous l'avons écrit dans la planche préservée. ainsi que les transgresseurs et que les criminels ne pensent pas que nous les châtirons par des péchés qu'ils n'ont pas faits et qu'ils ne pensent pas que nous les offenserons ou que nous serons injustes envers eux sur des choses que nous n'aurions pas comptabilisées en leur faveur. Rien ne sera oublié, même la taille d'un atome, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Kahf, le verset 49, « Wa wudi'a al-kitab » et l'on déposera le livre. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ tu verras les criminels effrayés de ce qu'il y a, c'est-à-dire dans ce livre. Et ils diront, malheur à nous, qu'à ce livre qui n'a pas omis, qui n'a rien omis, qui n'a rien oublié, c'est-à-dire qui a tout inscrit, qui n'a rien oublié de petites choses ou de grandes choses. Et ils trouveront ce qu'ils ont fait présent devant eux. Et ton Seigneur n'est injuste envers personne. فلن نزيدكم إلا عذابا وكل وقت وحين يزداد عذابهم وهذه الآية أشد الآيات في شدة عذاب أهل النار أجارنا الله منها. Puis Allah Azza wa Jal dira, goûtez, c'est-à-dire goûtez, ô vous qui avez traité de mensonges, goûtez ce châtiment douloureux et cette humiliation continuelle, فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا nous ne ferons que vous ajouter du châtiment. C'est-à-dire, à chaque moment et à chaque instant, leur châtiment deviendra plus douloureux. Et Cheikh Saadi, rahimahullah, dit, وَهَذِهِ الْآيَةِ أَشَدُّ الْآيَاتِ فِي شِدَّةِ عَذَابِ أَهْلِ النَّارِ et ce verset est le verset le plus dur qui parle du châtiment des gens de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. ثم قال تعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Puis Allah Azza wa Jal dit, selon le sens, pour les muttaqin, les pieux, ce sera une réussite. Jardin et vigne, des belles au sein arrondi d'une égale jeunesse et coupe débordante. Ils n'y entendront ni futilité ni mensonge, à titre de récompense de ton Seigneur et à titre de don abondant. Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux, le tout miséricordieux, ils n'osent nullement lui adresser la parole. Le jour où l'esprit, c'est-à-dire Jibril et les anges se dresseront en rang, nul ne saura parler, sauf celui à qui le tout miséricordieux aura accordé la permission et qui dira la vérité. Ce jour-là est inéluctable, que celui qui veut prenne donc refuge auprès de son Seigneur. Nous vous avons certes averti d'un châtiment bien proche. Le jour où l'homme verra ce que ses deux mains ont préparé, et l'infidèle dira, hélas pour moi, comme j'aurais aimé n'être que poussière. قال الشيخ السعدي رحمه الله لما ذكر حال المجرمين ذكر مآل المتقين فقال إن للمتقين مفازا أي الذين اتقوا سخط ربهم بالتمسك بطاعته والانكفاف عما يكرهه فلهم مفاز ومنجا وبعد عن النار وفي ذلك المفاز لهم حدائق وهي البساتين الجامعة لأصناف الأشجار الزاهية والثمار التي تتفجر بين خلالها الأنهار وخص الأعناب لشرفه وكثرته في تلك الحدائق ولهم فيها زوجات على مطالب النفوس وكواعب وهي النواهد التي لم تتكسر ثديهن من شبابهن وقوتهن ونضارتهن أترابا التي على سن واحد متقارب ومن عادة الأتراب أن يكن متآلفات متعاشرات وذلك السن الذي هن فيه 33 سنة في أعدل سن الشباب. Lorsqu'Allah Azzawajal a cité la situation et le cas des criminels, il a cité la finalité des pieux. Et il a dit, Inna lil muttaqina mafaza. Les pieux auront la réussite. C'est-à-dire, ceux qui auront redouté la colère de leur Seigneur, en s'accrochant à son obéissance, et en s'éloignant de ce qu'ils détestent, à eux la réussite et la sauvegarde et l'éloignement du feu de l'enfer. Et en plus de cette réussite, ils auront des jardins qui renfermeront toute forme d'arbres fleuris et de fruits également. Des arbres entre lesquels coulent des ruisseaux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a cité de façon précise les vignes, jardins et vignes, hada'iqa wa a'naba, pour montrer que le raisin est un fruit noble et parce qu'il sera en grande quantité dans ces jardins. Ils y auront également des femmes, ala matalib an-nufus. Qu'est-ce que ça veut dire ala matalib an-nufus? Naam? Autant qu'ils le désireront, autant qu'ils le souhaiteront. Ils auront des femmes autant que souhaité. Wa kawa'ib wa hiya an-nawahid. Et al-kawa'ib qu'Allah azza wa jalla a cité, ce sont des jeunes femmes. Celles qui ont les seins fermes, qui n'ont pas les seins ramollis, prouvant leur jeunesse, leur force et leur beauté. At-Taraba, Allah Azza wa Jalla a parlé de ces femmes en les qualifiant de Kawa'ib et de At-Tarab. Kawa'ib, ce sont les jeunes, et At-Tarab, celles qui ont un seul ou qui ont un âge similaire. Et celles qui ont un âge similaire sont celles qui sont attirantes et complaisantes. Et cet âge similaire que les femmes du paradis auront est de 33 ans, qui est l'âge de la jeunesse. Fi a'dali sinni shabab. C'est le meilleur âge de la jeunesse. 33 ans. ثم قال وكأسا دهاقا أي مملوءة من رحيق لذة للشاربين لا يسمعون فيها لغوا أي كلاما لا فائدة فيه ولا كذابا أي إثما كما قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وإنما أعطاهم الله هذا الثواب الجزيل من فضله وإحسانه جزاء من ربك لهم عطاء حسابا، أي بسبب أعمالهم التي وفقهم الله لها وجعلها ثمنا لجنته ونعيمها. C'est-à-dire qui seront pleins de nectar, délicieux à boire. Ils n'y entendront pas. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. Ils n'y entendront ni futilité. C'est-à-dire des paroles qui n'ont aucun bénéfice. ولا كذابا, ni mensonge. Comme l'a dit Allah Azza wa Jalla dans Sourate Al-Waqi'ah, ils n'entendront ni futilité, ni blasphème, mais seulement les propos salam, salam, illa qilan salaman salama. Et Allah Azza wa Jalla leur a accordé cette immense récompense par sa grâce et sa bonté subhanahu wa ta'ala. Jaza'an min rabbika lahum ata'an hisaba. Il leur a accordé ces dons abondants grâce à leurs actes, grâce à leurs bonnes actions qu'Allah Azza wa Jal leur a permis d'accomplir et qu'Allah Azza wa Jal a considéré comme le prix pour son paradis et pour ses délices. ثم قال سبحانه وتعالى ثم قال الشيخ السعدي أي الذي أعطاهم هذه العطايا هو ربهم رب السماوات والأرض الذي خلقها ودبرها الرحمن الذي رحمته وسعت كل شيء فرباهم ورحمهم ولطف بهم حتى أدركوا ما أدركوا ثم ذكر عظمته وملكه العظيم يوم القيامة وأن جميع الخلق كلهم ذلك اليوم ساكتون لا يتكلمون ولا يملكون منه خطابا إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا فلا يتكلم أحد إلا بهذين الشرطين أن يأذن الله له في الكلام وأن يكون ما تكلم به صوابا لأن ذلك اليوم هو الحق الذي لا يروج فيه الباطل ولا ينفع فيه الكذب وفي ذلك اليوم يقوم الروح وهو جبريل عليه السلام الذي هو أشرف الملائكة والملائكة أيضا يقوم الجميع صفا خاضعين لله لا يتكلمون إلا بما أذن لهم الله به. Puis dans les versets 37 à 40, Allah subhanahu wa ta'ala, Cheikh Al-Sa'di dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné que celui qui leur a accordé tout ceci est leur Seigneur, Rabbi samawati wal ard, le Seigneur des cieux et de la terre, celui qui a créé les cieux et la terre et celui qui les dirige et les contrôle. Ar-Rahman, le tout miséricordieux, celui dont la miséricorde est plus vaste que toute chose. Allah Azza wa Jal les a créés, il les a entrés dans sa miséricorde, il a été doux avec eux jusqu'à ce qu'ils atteignent les niveaux qu'ils ont atteints. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a cité son immensité et son royaume immense le jour du jugement et que l'ensemble de ses créatures ce jour-là se tairont. Personne ne parlera. La yamlikuna minhu khitaba. Ils n'osent nullement lui adresser la parole. Sauf celui à qui Allah Azza wa Jal a donné l'autorisation de parler et qui dit la vérité. Ainsi, ce jour-là, personne ne parlera sauf si ces deux conditions sont réunies. La première, qu'Allah lui donne l'autorisation de parler, et la deuxième, que ce qu'il dit soit vérité. Car ce jour-là, لِأَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمُ هُوَ الْحَقِّ car ce jour-là est le jour de la vérité, un jour dans lequel le mal et le faux ne se propagent pas, un jour dans lequel le mensonge n'est d'aucune utilité. Et ce jour-là, ce sera le jour où l'esprit, qui est Jibril alayhi salam, et qui est le plus honorable des anges, ainsi que les anges, se lèveront en rang, c'est-à-dire en rang et soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. لا يتكلمون ils ne parleront pas إلا من أذن لهم الله به sauf ceux à qui Allah عز وجل a autorisé de parler. فلما رغب ورهب وبشر وأنذر قال فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا أي عملا وقدم صدق يرجع إليه يوم القيامة. Puis Allah عز وجل dit, ce jour-là est inéluctable. ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. Que celui qui veut prenne donc refuge auprès de son Seigneur. Que celui qui veut prenne donc refuge. C'est-à-dire qu'il fasse des actes et des œuvres qui lui profiteront le jour du jugement. Inna anzarnakum azaban qariba. Nous vous avons certes averti d'un châtiment très proche. Inna anzarnakum azaban qariba lianahu qad azifa muqbila wa kullu ma huwa atin fa huwa qarib yawma yanzuru al mar'u ma qaddamat yadahu أي هذا الذي يهمه ويفزع إليه فلينظر في هذه الدنيا إليه فلينظر في هذه الدنيا إليه كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فإن وجد خيرا فليحمد الله وإن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ولهذا كان الكفار يتمنون الموت من شدة الحسرة والندم نسأل الله أن يعافينا من الكفر والشر كله إنه جواد كريم تم تفسير سورة عم والحمد لله رب العالمين. الله عز وجل dit son essence, nous vous avons averti ou nous vous mettons en garde contre un châtiment proche. Car ce châtiment arrive à toute vitesse et tout ce qui arrive est proche. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. Le jour où l'homme verra ce que ses deux mains ont préparé. أي هذا الذي يهمه ويفزع إليه. فلينظر في هذه الدنيا إليه. C'est-à-dire qu'il regarde maintenant ce qu'il a fait dans cette vie d'ici-bas, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, ô vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme voit ce qu'elle a œuvré pour demain. وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Et craignez Allah, Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Puis Cheikh Saadi rahimahullah dit, فَإِنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ. S'il trouve un bien, alors qu'il remercie son Seigneur. Et si le jour du jugement, il trouve autre que cela, alors qu'il en veuille à lui-même. Pour cela que les kuffars, les non-musulmans, espéreront mourir de par min shiddatil hasrati wan nadam, de par leur énorme regret, de par les énormes regrets qu'ils ressentiront le jour du jugement. le regret de ne pas avoir cru en ce jour de la rétribution, le regret d'avoir traité de mensonge les signes d'Allah, le regret de ne pas avoir œuvré dans cette vie d'ici-bas pour connaître la félicité dans l'au-delà. Puis, Cheikh Al-Sa'di, rahimahullah, dit, nous demandons à Allah, Azza wa Jal, de nous préserver de la mécréance et de tout le mal. Il est le généreux et le très bon. Le tafsir, l'exégèse de Surat Amma se termine et la louange appartient à Allah, le Seigneur des mondes. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad.